Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « À qui appartient une image ou les dessous » de l'affaire Gilbert Duclos. La jeune fille est assise ici. Et puis, elle regarde du côté gauche, comme ça, elle est pensive. Et donc, cette femme-là m'a attiré à cause, justement, de sa houppette à la Tintin et de ses cheveux bleachés blancs. Alors, je la vois, elle est assise comme ça. Alors, tout bonnement, je fais ça comme ça. Quand Gilbert Duclos prend ce cliché dont il parle à l'émission Média en septembre 1998, il est loin de se douter que cette photo va le conduire jusqu'à la Cour suprême du Canada. Le 9 avril 1998, la plus haute cour au pays reconnaît à Pascal-Claude Aubry, la jeune fille qu'a photographié Duclos en 1987, le droit à la vie privée et le droit à l'image. Ce jugement de la Cour suprême va bouleverser la pratique des photographes au Québec. Je ne sais pas si vous avez entendu lu cette nouvelle. Il y a un photographe qui s'appelle Gilbert Duclos qui a été poursuivi en cour par une jeune fille. Il avait pris sa photographie. En fait, Gilbert Duclos, c'est un artiste photographe qui aime se promener dans les rues et quand il voit des choses qui l'intéressent, il prend des photographies. Ça peut être des gens, ça peut être des choses, des moments. Et il a pris bien innocemment la photographie d'une jeune fille il y a quelque temps qui était assise dans des marches. Et cette photographie qui était jolie a été reprise par la revue culturelle Vice Versa, qu'il a publié pour accompagner un article. Et un jour, cette jeune fille, avec des camarades de classe, s'est reconnue, s'est vue, elle n'a pas aimé ça, et elle a poursuivi le photographe et la revue Vice Versa en cour pour atteindre aux droits de la personne. Et un juge lui a donné raison, et ce jugement-là inquiète beaucoup parce qu'il remet en question la liberté d'expression. Ce que le juge a invoqué dans le jugement rendu, c'est le droit à l'anonymat. Notion qui en fait sursauter plusieurs, car le droit à l'anonymat jusqu'à présent a toujours été dans les précédentes causes liées à la vie privée. D'après le juge, la jeune fille dans la photographie en question était assise sur une bordure de trottoir ou enfin sur un palier de maison ou de commerce. Elle s'est sentie lésée dans son anonymat parce qu'il y a des amis qui ont rigolé d'elle quand ils ont vu la photographie et semble-t-il que c'est suffisant pour poursuivre un photographe et un diffuseur. L'animatrice Christiane Charrette et le journaliste Jean Barbe à l'émission En direct en septembre 1991, au moment du premier jugement dans l'affaire Duclos. Pour nous parler des tenants et aboutissants de cette affaire, je reçois Vincent Lavoie, qui est professeur au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Vincent Lavoie, bonjour. Bonjour. Quelle importance ça a eu, cette affaire-là, l'affaire Duclos, cette fameuse photo et toute la saga judiciaire qui va s'en suivre dans le monde de la photographie? Bien, elle a eu une importance tout à fait capitale pour le photographe lui-même, qui s'est trouvé à être le point de mire, en fait, d'un débat tout à fait important touchant la liberté d'expression artistique, le droit à l'image. Donc, il y a des concepts juridiques qui sont tout à fait importants, qui appartiennent pas normalement à la pratique d'un photographe humaniste qui, comme on l'expliquait dans votre extrait, se balade à la recherche de la trouvaille visuelle. Ouais. Donc, il a dû modifier ses pratiques et pas seulement lui et bien d'autres. Donc, un premier effet concret, un jugement qui modifie la façon pour ce genre de photographe de pratiquer leur métier. Tout à fait, parce qu'il appartient à une tradition qu'on appelle dite humaniste et qui suppose de photographier ses semblables dans l'espace public en toute connivence, sans être sous la pression de quelques dictats que ce soit. C'est vraiment une pratique photographique qui est instituée, qui apparaît dans l'après-guerre, dans un moment de reconstruction et où on essaie de retisser les liens avec les individus, justement. Et ça dit, au fond, ça, on y reviendra sur les bases du jugement, mais la rue appartient à tout le monde. C'était ça, la tradition humaniste. L'espace privé, c'est chez soi. Mais quand on était dans l'espace public, sur un trottoir, comme dans le cas de cette jeune fille, on était en principe exposé aux yeux de tous. C'était ça, la tradition. Exactement, c'est ça le bouleversement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est chez soi dans l'espace public ou est-ce que sa propre personne appartient à un espace qui est commun? Est-ce qu'on a une vie privée sur un trottoir? Il semble-t-il que oui. Ouais. Comment ça commence, toute cette affaire-là? C'est cette personne, mademoiselle Aubry, qui se trouve à être embarrassée par la diffusion donc de son image et non pas nécessairement par la prise de vue photographique, parce qu'il faut faire effectivement une distinction. C'est la diffusion publique de l'image qui a été jugée par elle-même comme étant embêtante, froissante, intimidante, donc, et matière, en fait, à récrimination. Qu'est-ce qu'elle montre, avant d'aller plus loin, au fond, puisqu'elle va contester le fait que Gilbert Duclos ait publié l'image qu'il a prise d'elle, qu'est-ce qu'elle montre, cette fameuse image de Pascal Claude Aubry? Écoutez, c'est assez surprenant parce qu'il s'agit d'une image, somme toute, assez sage. On voit effectivement une personne qui est assise sur le pas d'un commerce, vêtue d'un jean, portant un pull sombre, dont le regard porte au loin. Mais lorsqu'on regarde cette image, on croirait voir un portrait. Or, le portrait est un genre qui est, par principe, valorisant. Donc, il est très surprenant. Cette image ait pu être considérée par l'intimé comme étant... Une infamante, mais enfin qui portait préjudice. Ouais. Alors que, au fond, il se passe rien sur cette photo. Il se passe absolument rien. Il y a cette jeune fille qui pourrait être n'importe qui est au pas d'une porte, mais qui a évidemment l'intérêt d'avoir le. Il en parlait, cette coiffure, cette apparence qu'elle a, ça attire l'œil de Gilbert Duclos. Mais autrement, ça pourrait être à peu près n'importe qui est sur le pas d'une porte dans une grande ville. Exactement. C'est une image générique qui ne spécifie rien, ni personne, ni aucun événement. Qui il est, Gilbert Duclos? De quelle façon il travaille? Il en est où dans sa carrière au moment où il prend cette photo, Vincent Lavoie? Eh bien, Gilbert Duclos, à ce moment-là, réalise une série qu'il appelle Cité. Donc, il se balade dans diverses villes du monde et il est à la recherche, je dirais, du fait un peu inusité, de la situation cocasse, d'une personne qui a une dégaine un peu intéressante. Donc, c'est un peu un chasseur d'images. Hein? Je parlais de trouvailles tout à l'heure. Donc, c'est en quoi il s'inscrit dans la tradition humaniste. Donc, c'est un œil, c'est-à-dire qu'il va remarquer ce que moi, je ne remarquerais pas, par exemple, mais il a cet œil et cette capacité de reconnaître et de saisir un moment, en fait, le merveilleux dans l'ordinaire. C'est ça qui l'intéresse. Et ces moments qui traduisent ces personnages, ces gueules intéressantes, qui plus largement traduisent un contexte social, une réalité, le temps présent dans un lieu présent. Exactement. C'est la déambulation des individus dans la ville, c'est les rapports intersubjectifs. Ils sont seuls, pas toujours. Donc, c'est très urbain comme photographie. Ouais. Christine Charette l'évoquait un peu dans l'extrait qu'on a entendu, mais ça commence comment, cette fameuse affaire? Ça va devenir une saga judiciaire. À partir de quel moment et pourquoi la jeune qui a été photographiée, Pascal Claude Aubry, décide-t-elle de porter plainte? Parce que se sent lésée par l'image, elle invoque qu'on a ri d'elle. Donc l'image comporte une certaine part de violence à son endroit et elle veut une forme de réparation. Donc, et la cause va porter sur, je dirais, la pondération du droit à l'image, donc du droit à une forme de vie privée, et le droit à la liberté, liberté d'expression, et le droit de la liberté artistique est inclus dans la liberté d'expression. Donc, en fait, les juges ont été appelés à soupeser, je dirais, à la fois l'intérêt du public, l'information, l'intérêt privé de la personne en cause, donc Mademoiselle Aubry, et le photographe, donc son intérêt comme artiste. Il fait des images, il a besoin de les montrer. Oui. Et ça va donc se retrouver en cours et vraiment, il y aura trois paliers de justice différents qui vont se prononcer sur cette cause-là. Elle demande 10 000 $ au départ, la jeune. Elle va avoir au bout du compte 2 000 $ Mais vraiment, ça va se retrouver jusqu'en Cour suprême. Et le 9 avril 1998, la Cour suprême va rendre son jugement dans l'affaire Duclos. Que dit le jugement? Quelle réaction va susciter ce jugement? On écoute d'abord l'avocate de Pascal Claude Aubry, la plaignante donc dans cette affaire. On pense qu'on a atteint ce qu'on voulait atteindre. La reconnaissance, finalement, de son droit à la vie privée et son droit à l'image, qui était une notion jusqu'ici un petit peu ignorée de notre droit. Mais attention, dit la Cour suprême, le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu. Il se heurte à la liberté d'expression et au droit à l'information. Les artistes, les politiciens doivent s'attendre à sacrifier une partie de leur vie privée au nom de l'intérêt public. Mais monsieur, madame, tout le monde, à moins de faire partie d'une foule, pourraient s'objecter à la diffusion de leur image prise isolément. Les milieux de la presse craignent que le jugement n'appauvrisse l'information. Ce jugement de la Cour suprême ne s'applique qu'au Québec, où le droit à la vie privée est consacré autant par la Charte des droits que par le nouveau Code civil. Ailleurs au Canada, où prévaut un régime de common law, pareil droit n'existe pas. Daniel Lheureux, Radio-Canada, Ottawa. Alors, en 98, Vincent Lavoie, la Cour suprême confirme les jugements précédents de la Cour du Québec, de la Cour d'appel. On a un petit bout d'explication dans le reportage qu'on vient d'entendre, mais en gros, que dit le jugement de la Cour suprême? Bien, le jugement de la Cour suprême dit que, tout d'abord, qu'on n'a pas demandé l'autorisation, on va reconduire les décisions précédentes. Il y aura quand même une dissension de deux juges. Hein. On va reconduire les décisions des instances inférieures. On va considérer qu'il n'y a pas un intérêt public à diffuser cette image. Que le photographe aurait pu prendre soin de demander le consentement à cette personne. Donc, il y a donc faute à ce moment-là. Ce qui sera objet de dissension à la Cour suprême, ce sera la question des dommages. C'est-à-dire que cette personne qui s'intime lésée, bien, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Donc, il y a faute, mais il y a pas forcément un dommage qui est patent. Et ça, c'est une remarque qu'on peut observer dans le jugement de la Cour suprême. Et ce qui est fondamental, puis on l'a un petit peu évoqué il y a quelques minutes ensemble, Vincent Lavoie, c'est que, évidemment, Duclos ou quiconque peut prendre toutes les photos qu'il veut. La Cour suprême n'interdit à personne de prendre une photo, mais protège la vie privée des gens qui sont photographiés pour ce qui est de la publication de la photo. Vous pouvez prendre la photo que vous voulez, mais vous ne pouvez pas la publier, dans certains cas, sans demander le consentement de la personne qui a été photographiée. Exactement. Ça, c'est vraiment important de le préciser, puisque c'est la diffusion, donc c'est la diffusion publique, la mise en circulation publique de l'image qui produit, je dirais, des effets juridiques. Oui. Alors que la simple saisie, la capture de la scène, eh bien, écoutez, il n'y a pas vraiment de difficulté avec ça. La Cour, puis on l'entendait aussi dans le reportage, va quand même établir certaines balises en disant « tout le monde ne peut pas tout le temps s'objecter. On n'a pas à demander l'autorisation, la permission tout le temps à quelqu'un qu'on photographie. » Comment c'est balisé, cette affaire-là? Qu'est-ce que demande la Cour? Dans quel genre de situation il faut demander l'autorisation ou dans quel genre de situation on n'a pas à demander l'autorisation? Mais ce que demande la Cour, c'est on demande l'autorisation au sujet lorsqu'il constitue d'évidence, je dirais, l'élément principal de l'image. Les exemples qui sont donnés, par exemple, si une personne est photographiée derrière elle, il y a la Tour Eiffel, eh bien, on peut penser que c'est la Tour Eiffel qui est le sujet et qu'il serait bien difficile pour une personne de considérer qu'elle est le sujet principal. Donc, c'est véritablement lorsque l'individu s'impose comme sujet de l'image, c'est là que ça pose une vraie difficulté. Il faut demander des autorisations. Ouais. Bon, Gilbert Duclos, comment il va réagir à ce jugement de la Cour suprême, sur le principe, mais aussi dans sa pratique? Je vous propose de l'écouter en parler des années plus tard. C'est intéressant parce qu'il y a déjà un peu de recul. Il en parle donc à l'émission Porte ouverte en mai 2005. C'est sûr que ce jugement de la Cour suprême a finalement mélangé les gens, parce qu'à un moment donné, moi, je me souviens, je faisais une photo et puis il y avait trois jeunes filles, c'était amusant, une en patin roulette, l'autre en bicyclette, l'autre en skate. En tout cas, ils avaient chacun leur système de locomotion. Alors, j'ai fait une photo, mais ils m'ont dit, mais vous pouvez pas faire une photo de nous. On a le droit de faire la photo, on n'a pas le droit de la publier. Alors, à partir du moment où on n'a pas le droit de publier la photo, quand on est un photographe qui avons une approche justement humaniste, ben ça veut dire à toute fin pratique qu'on a envie de prendre notre appareil photo puis de le foutre aux poubelles. Je persiste et je signe, je retourne dans la rue et je vais faire encore des photos comme avant. Et de toute façon, j'ai publié un livre en 2001, donc après le jugement. Aujourd'hui, cet après-midi même, justement, cette jeune fille ici que vous voyez... En quatrième de couverture, est venue me voir à mon studio. Elle avait vu une fois la photo et elle cherchait qui l'avait fait. Et finalement, elle a découvert que c'était moi. Et je peux vous dire qu'elle était ravie. Je persiste et je signe, dit Gilbert Duclos dans cette entrevue à Vincent Lavoie. En fait, Gilbert Duclos ne va jamais accepter ce jugement de la Cour suprême. Non, il s'insurge contre le principe voulant qu'on soit... Comment dire, qu'on ait une hyper-conscience de son image lorsqu'on se retrouve dans l'espace public. Ces trois jeunes filles disant « vous n'avez pas le droit de me photographier », elles se trompent d'une certaine manière juridiquement. Mais leur réaction traduit en fait ce sentiment d'être propriétaire de son image. Ouais. Et ce sentiment de propriété de soi est peut-être un phénomène historique également. Mais j'ai l'impression que l'affaire Duclos met le doigt sur, je dirais, un phénomène d'exacerbation du sentiment et de la valeur que l'on s'accorde comme individu. Mais c'est fondamental, puis d'où le titre de l'émission, à qui appartient une image? C'est ça que pose comme question l'affaire Duclos. Mmh. L'image, elle appartient à la personne photographiée ou au photographe? Voilà, effectivement, on a l'impression qu'avec l'affaire Duclos, on a un partage, je dirais, de l'autorité sur l'image. Hein. C'est-à-dire qu'il fut un temps où le photographe avait toute l'autorité, il photographiait les sujets, c'était son œuvre artistique, et puis le monde constituait un matériau dans lequel il puisait, n'est-ce pas? La photographie humaniste dont on a parlé tout à l'heure. Alors, avec l'affaire Duclos, on a l'impression que tout à coup, les personnes qui se retrouvent dans l'image s'estiment co-auteurs de l'image, et il demande à ce titre des compensations, des réparations diverses. Ouais. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, comme finalement, un portrait était fait par deux personnes, quoi. Donc, il y a une espèce de remise en cause de, je dirais, des prérogatives du photographe au profit, je dirais, du modèle. On bouge un peu le curseur vers le sujet de l'image. Mais c'est une vraie question, parce qu'au fond, on peut effectivement comprendre qu'on puisse se sentir... marchandisé, parce que ces photos sont vendues. C'est un petit peu ça aussi, peut-être, la logique derrière ceux qui disent « Je suis le sujet principal d'une photo, vous devez me demander l'autorisation avant de la publier. » C'est probablement ça, mais vu les conditions de vie des photographes, c'est bien mal comprendre quelle est la réalité économique de la pratique photographique et artistique. Réalité économique et pratique, manière, tradition, manière de faire. Quand on est comme Gilbert Duclos, quelqu'un qui s'inscrit dans cette tradition de la photo humaniste, comme l'ont été d'autres grands photographes avant lui, Doisneau ou Linéronis, on pourra en nommer plusieurs, comment continuer de faire son métier avec cette exigence de demander l'autorisation à tous ceux qu'on prend en photo, de leur demander l'autorisation pour publier leurs photos. Il en parle de ça aussi, parce que ça l'a beaucoup heurté. Dès le premier jugement, Gilbert Duclos se dit, mais attendez, comment je vais faire? On l'écoute justement en parler dans une entrevue qu'il accorde à l'émission Et quoi encore en mars 1993. Et tout de suite après, vous allez entendre un extrait de son documentaire à Gilbert Duclos, réalisé en 2005, La rue zone interdite, où le photographe français Marc Ribou se prononce sur le même genre de problématique. Moi, écoutez, je respecte tous les gens. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que la rue, pour moi, c'est public. C'est une prise de position qui se défend, je crois. Peut-être qu'il y en a qui vont se trouver pas d'accord avec ça. Moi, je prétends que la rue, c'est un endroit extraordinaire et où la liberté doit s'exercer. Et ma liberté de photographe, c'est d'aller faire des photos dans la rue. Mm-hmm. Et c'est sûr que si je demande aux gens et que je leur demande de signer des papiers, il va falloir que j'ai une armée de personnes derrière moi pour s'occuper. Ça, il y a des jours où je peux photographier, je sais pas moi, 300 personnes. Quand je suis vraiment dans mes journées de photos dans les villes, c'est incroyable. Je suis comme une tête chercheuse. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire écraser. Comment voulez-vous qu'on demande la permission? Il n'y a plus de photos, elle s'en va, elle prendra... Si on est intéressé à la photographie sur la réalité, ce n'est pas la pose. Et moi, je pense... C'est l'intérêt de la photographie. Il y a deux choses dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a le coût, puis on va y revenir dans un instant, le coût que pourrait représenter ce genre de jugement dans la tradition, dans la pratique photographique, sur le plan artistique, ce qu'on pourrait perdre si cette logique du jugement de la Cour suprême est poussée jusqu'à sa limite. Et puis, il y a le côté plus concret, puis revenons à ce que disait Duclos lui-même. Oui. C'est pas possible. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Je ne peux pas continuer de faire de la photographie de la manière dont je la fais si je dois demander l'autorisation à tous ceux que je photographie. Ce serait parfaitement impossible. Vous savez, aujourd'hui, Doisneau ne pourrait plus être Doisneau et Willy Ronis, aujourd'hui, ne pourrait plus être Willy Ronis. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus travailler comme ils l'ont fait pendant des décennies, c'est-à-dire cueillir ici et là des situations qu'ils jugeaient depuis leur œil photographique averti comme ayant un intérêt esthétique. Ça paraît aujourd'hui tout à fait impossible. Donc, et en fait, poussé à l'extrême, le jugement de la Cour suprême de 1998 élimine toute une tradition. On ne pourra plus faire de photos de ce genre, de cette manière-là. C'est toute une tradition qui passe à la trappe de l'histoire, qui passerait à la trappe de l'histoire si on suivait à la lettre ce jugement. C'est probablement la fin d'une pratique, si tant est que les photographes se censurent et hésitent à réaliser des images semblables aujourd'hui. Et dans les faits, revenons à la pratique de Gilbert Duclos et de ses collègues. On l'a compris dans un extrait qu'on a présenté dans cette émission. Lui a décidé quand même de continuer de faire son métier comme il l'a toujours fait, en défiant d'une certaine façon la loi. Il disait dans un extrait qu'on a entendu, « J'ai publié en 2001, après le jugement. » Il y a des photos là-dedans, plein de photos, où je n'ai pas demandé l'autorisation aux gens que je photographiais. Donc, c'est je persiste et signe jusqu'au bout. Dans les faits, Vincent Lavoie, avec le recul, est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'a eu ce jugement de la Cour suprême au Québec sur la pratique des photographes? Est-ce qu'il y a eu de la censure? Est-ce qu'il y a moins de photos de tradition humaniste? Bon, alors, c'est un peu compliqué de le mesurer parce qu'on n'est pas vraiment dans une dimension quantitative, puisque si les photographes se censurent ou contournent ou modifient leur conduite parce qu'ils ont peur d'être inquiétés juridiquement, eh bien, il y aura pas de cause et on saura pas si finalement l'exercice de leur pratique est plus compliqué aujourd'hui. Ce qu'on constate également tout de même, c'est, je dirais, la multiplication des banques d'images, parce que là, ça ne pose plus de problème. Donc, on a un contrat et puis on obtient des images libres de droit, complètement exemptes de tout risque juridique. Mais Gilbert Duclos, lui, d'une certaine manière, procède probablement à une sorte de gestion du risque. Mm-hmm. Il dit « Je continue de travailler comme je l'ai toujours fait et on verra bien ». Hein? On verra bien ce qui se passe. Donc, il fait un peu le dos rond. Et puis, bon, il se trouve que dans la réalité, dans les faits, rares sont ceux qui vont poursuivre un photographe pour des raisons, des motifs semblables. Donc, voilà. Ouais. Et dans le cas de Duclos, en fait, c'est un peu cynique, mais d'abord, il en a fait, je pense que ça a été tellement important pour lui. J'allais dire qu'il en a fait une obsession, mais il a fait un documentaire après. En même temps, il a peut-être gagné en notoriété. Il est plus connu maintenant qu'il ne l'avait jamais été. Peut-être. En tout cas, il a vraiment bien fait connaître les enjeux propres à ce type de photographie avec son documentaire « La zone interdite », qui est d'ailleurs excellent. La rue zone interdite, ouais. Voilà, merci. Qui pose très très bien les enjeux touchant cette situation. Donc effectivement, il a été un porte-parole très très loquace et très efficace de ce type de situation. Vincent Lavoie, professeur au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Éric Saint-Pierre. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet aujourd'hui, Ronald Georges. À la technique, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.